D'après ces statistiques, il y a 4000 hold-up par an, mais une trentaine seulement sont perpétrés avec de vraies armes. À mon avis, la plupart de ces coups, c'est à peu près toujours les mêmes types qui les font. Et pour tout vous dire, je suis l'un d'eux. J'débarque, la haine dans la salive. Val-de-Marne, un corps impoli, un calibre impoli. La vérité sur le dossard, 9K d'élite de fabrique. Imbattable sur la batterie, à wax et doom, c'est pour la famille. Des RY, mais des blancos hors pair bonhomme. Regard froid comme la Pologne, pute d'Hergé en colonne. 9K plombé, arrose les cons des rays. Chaque c'est non, cagou les fuites, jour de paye. Brinks, fire et fric, maton, poucaf, condé, niquez vos mères. Ici on part en live, on dit ce qu'on pense, niquez vos mères. Tout ce qui a un droit à la bouche, 9K puissance armée. Dans le Espanam, sous un casse, des dégâts sont pavés. Champigny en lit, choisi Jacques Cartier. Artillerie lourde dans la baie, Corse anti-BRB. Machiavel, big up, intouchable, big up. A tous les petites putes dans le pick-up, DJ soit big up. J'arme, je charge, je vise, je tire. Je blesse, je le jure. Je suis l'un d'eux. Je ramasse mes sacs, mes toits, mes armes. J'encaisse le fric, les tueux. Je suis l'un d'eux. J'arme, je charge, je vise, je tire. Je blesse, je le jure. Je suis l'un d'eux. Je ramasse mes sacs, mes toits, mes armes. J'encaisse le fric, les tueux. Je suis l'un d'eux. Moi je suis un de ces hommes, quel goût du vice. L'amour des armes, de l'adrénaline, de celui du risque. Ici, vois mon logo là qu'un free mafia. Ancré sous ma peau et je m'anime à le pushka. Animal et soldat, mentalité de gangster. Déter, destiné à finir sur des posters. Vu l'enfer du fond du 9-4, c'est cimetière. Dans les pattes des bâtons, la dalle au ventre vient me refaire. Me défaire, déchaîne de la violence tant qu'à faire. Mino déjà très impatient dans les affaires. Faire du fric et ça rapidement. Demande à Billy Blanco, ça tire dans nos bâtiments. Plus l'amour sentiment, ce qu'on veut c'est la recette. Mec un deck au trait, vise la tête pour qu'on respecte. L'homme et le suspect, l'esprit vers l'oseille. Les plantes et la satellite, nous comme le chétan on veille. T'élimines si tu le mérites. J'arme, je charge, je vise, je tire. Je blesse, je le jure. Je suis l'un d'eux. Je ramasse mes sacs, mes toits, mes armes. J'encaisse le fric, les tueux. Je suis l'un d'eux. J'arme, je charge, je vise, je tire. Je blesse, je le jure. Je suis l'un d'eux. Je ramasse mes sacs, mes toits, mes armes. J'encaisse le fric, les tueux. Je suis l'un d'eux. D'après ces statistiques, il y a 4000 hold-up par an, mais une trentaine seulement sont perpétrés avec de vraies armes. La plupart de ces coups, c'est à peu près toujours les mêmes types qui les font. Et pour tout vous dire, je suis l'un d'eux. Je suis l'un d'eux. J'arme, je charge, je vise, je tire. Je blesse, je le jure. Je suis l'un d'eux. Je ramasse mes sacs, mes toits, mes armes. J'encaisse le fric, les tueux. Je suis l'un d'eux. J'arme, je charge, je vise, je tire. Je blesse, je le jure. Je suis l'un d'eux. Je ramasse mes sacs, mes toits, mes armes. J'encaisse le fric, les tueux. Je suis l'un d'eux. D.A.Y. Billy Blanco, on m'a à battre. 9-4, on sort les armes. T'inquiète, on est là. Dans chaque boulot, la clé du succès, c'est une bonne équipe.